Bel après-midi, à l'écoute de nos programmes, voici Histoire vivante et la destinée de la reine Élisabeth de Belgique. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La reine dit, je veux aller voir à Nieuport pour voir s'il n'y a pas de trop de blessés et si je ne puis rien faire ou si on a besoin de rien. Cette semaine, un pouvoir au service des autres. La reine Élisabeth de Belgique se rend sur la rivière à Vaudoise avec son mari, le roi Albert Ier. De la Bavière à la Belgique. Elle n'avait pas peur, la reine, d'aller au front. Reine et musicienne. J'ai rencontré ce matin maman dans le corridor menant à la bibliothèque. Que j'étais heureux. Je l'ai embrassée autant que j'ai pu. J'étais allé chercher la reine et à peine en auto, elle me dit, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit. Je voudrais bien aller voir. Août 1914, l'Allemagne envahit brutalement la Belgique au mépris de sa neutralité. Albert Ier et son armée sont retranchés sur une petite bande côtière le long de l'Isère. Quelques téméraires, dont la reine Élisabeth, se démène pour soigner et secourir soldats et civils sous la mitraille ennemie. En Suisse romande, la population est particulièrement affectée par le sort de la Belgique. Dans un élan spontané, de nombreux civils se mobilisent et s'organisent pour venir au secours de la population belge, terriblement touchée par la violence des combats. Ils créent le Comité suisse de secours aux réfugiés belges. Parmi ces humanitaires de l'époque, trois femmes se distinguent. Elles vont s'engager corps et âme pour évacuer, tout au long de la guerre, des milliers de réfugiés, essentiellement des enfants, vers la Suisse. Ce sont la reine Élisabeth de Belgique, Marie Widmer-Curta, épouse du célèbre docteur Widmer, fondateur de la clinique de Valmont sur la rivière à Vaudoise, et Miss Georgiana Fife, une aristocrate écossaise, philanthrope, au tempérament bien trempé. Animées d'une détermination sans faille, ces trois femmes vont lutter avec acharnement pour protéger des enfants, secourir des civils, essayer d'atténuer les blessures d'un conflit mondial qui a constitué la première guerre moderne de l'humanité. Juillet 1914, le roi Albert passe ses troupes en vue. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 2 août 1914, elle somme la Belgique de laisser passer son armée. Le lendemain, le roi Albert déclare l'ultimatum allemand inacceptable et prend le commandement de sa petite armée. Deux jours plus tard, 550 000 soldats allemands pénètrent sur le territoire belge au mépris de sa neutralité. La guerre d'un mouvement dure 3 mois. Le roi et son armée résistent de toutes leurs forces, mais c'est David contre Goliath. Les Allemands massacrent des milliers de Belges et incendient leurs maisons. C'est la première fois en Europe qu'une armée s'en prend aux civils. Cette violence terrorise la population. Entre août et octobre, 1,5 million de réfugiés belges prennent la route de l'exil. Un extrait de 14-18 des enfants belges en Suisse, documentaire signé Séverine Cornamusa, qui sera à notre micro dès jeudi. Son documentaire est à voir dimanche soir sur RTS2. Avant d'en venir à ce sujet, nous vous proposons une semaine histoire vivante un peu particulière. Elle va être consacrée à la reine Élisabeth de Belgique, qui va jouer dans ce dossier un rôle central. Pour ce faire, et sachant que les archives sont plutôt réduites, nous avons choisi de vous faire entendre de larges extraits d'un ouvrage consacré à Élisabeth de Belgique, ouvrage signé Évrard Raskin, auteur aujourd'hui disparu. Le portrait qu'il fait de la reine, du couple royal et des événements auxquels ils font face permettra de vous donner un aperçu de cette reine que beaucoup considéraient comme extravagante. Ce premier chapitre est aujourd'hui intitulé « Nouveau pouvoir, nouveau regard ». Dès le milieu de l'année 1908, on murmure que Léopold II aurait des problèmes de santé. Le palais nie formellement. La réalité est bien différente. Albert le sait, Élisabeth également. Le 1er décembre 1909, le roi revient de Paris. Il est à Laeken, dans le pavillon Les Palmiers, un petit bâtiment au nord des serres royales. Il est pris de crampes au ventre. Le docteur Jules Thiriard diagnostique une obstruction intestinale. Il est décidé d'opérer sur le champ. Le roi souffre probablement d'un cancer de l'intestin. Il est conscient que ses jours sont comptés. Le 13 décembre, le doyen de Laeken lui administre les derniers sacrements et bénit un mariage religieux avec Caroline de la Croix qui vient d'arriver. On l'opère le 14 décembre. Il meurt le 17. 44 ans, jour pour jour, après son accession au trône. Élisabeth suit le déroulement de la maladie du roi avec la plus grande attention. Elle est au palmier le 13 décembre, la veille de l'intervention chirurgicale, ainsi que le 17. Son époux est également présent à plusieurs reprises. Immédiatement après la mort du roi, un problème énorme se pose. Dans son testament, daté du 12 novembre 1907, Léopold avait stipulé « Je veux être enterré de grand matin, sans aucune pompe, je défends qu'on suive ma dépouille, sauf mon neveu Albert et ma maison. » En d'autres termes, le roi rejette tout hommage de sa famille, sa rancune envers ses deux filles aînées est toujours aussi tenace, et il se détourne également de la population. Albert refuse de prendre position. L'organisation de funérailles nationales est l'affaire du gouvernement. Celui-ci ne suivra pas la volonté du défunt. L'enterrement d'un souverain est une affaire d'État. Léopold II appartient à la nation et sa mort touche chacun. L'organisation de funérailles officielles permettrait à tous les Belges d'exprimer leur chagrin. S'il n'y en a pas, le gouvernement risquerait de donner l'impression de désavouer le roi, ce qui serait dommageable pour la monarchie en général et pour son successeur en particulier. Nous donnons d'abord la parole au comte Edmond Carton de Viard, qui va évoquer la vie et l'œuvre de Léopold II. Ce grand ami de la France fut une des figures les plus marquantes de l'histoire de Belgique. Il est mal connu, et peut-être est-ce un peu la faute de cet illustre souverain, qui s'est toujours attaché à laisser dans l'ombre son action personnelle et à négliger les acclamations. Les dernières paroles qu'il prononça, quelques instants avant de mourir, après un règne de 45 ans, sont révélatrices de son caractère. Le Premier ministre était venu soumettre à sa signature, sur son lit de mort, une loi fort importante, renforçant notre établissement militaire. Le roi en avait depuis bien des années réclamé le vote, et c'est elle qui permit pour une grande part l'organisation de notre défense en 1914. Après l'avoir signé d'une main défaillante, il dit à son Premier ministre « J'ai fait ce que j'ai pu pour mon pays, c'est peu de choses. Mais je n'ai jamais cherché la popularité. Car la popularité, voyez-vous, c'est comme les vagues de la mer, cela va et cela vient, et cela ne vaut même pas leur écume. » Avec une conscience inébranlable de ses responsabilités de chef, il resta jusqu'au bout à son poste, et la Belgique sait tout ce qu'elle lui doit. Nous venons d'entendre le comte Edmond Carton de Viard, et il appartiendra maintenant à M. Georges Mortelmans, professeur à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences coloniales de Belgique, de nous parler du Congo. Le 29 mai 1885, Léopold II proclame son avènement au trône de l'État indépendant du Congo. L'exploration et l'occupation effective y sont rapidement poussées, notamment vers le Katanga que vise le grand rêve expansionniste de Cecil Rhodes du Cap au Caire. De 1890 à 1898 a lieu, au milieu de difficultés sans nombre, la construction de l'indispensable chemin de fer entre Matadi-Porte-Océane et Léopoldville-Terminus des voies fluviales. Le jeune État doit faire face à des dépenses énormes qui s'accroissent au même rythme que s'étend son administration. Malgré le recours à l'emprunt, le roi est obligé de pratiquer une politique de plus en plus commerciale, largement basée sur l'exploitation des richesses par l'État. Avec la pénétration dans l'est du Congo, l'hostilité latente des esclavagistes arabes se manifeste soudain. En avril 1892, débutent ces fameuses campagnes arabes qui s'étendront sur 7 années avant que ne soit définitivement brisée l'emprise de l'islam et fermée l'atroce plaie de l'esclavagisme humain. En 1898, le Congo peut être considéré comme pacifié. Les populations qui ont survécu à la cruauté arabe, aux exactions des potentats, aux luttes intestines et aux révoltes, commencent à apprécier les avantages d'une situation politique stable. Le 18 décembre, la dépouille mortelle du roi Léopold II est amenée de Laeken au palais à Bruxelles. Le public peut y saluer le défunt. 4 jours plus tard, le 22 décembre, le cortège funéraire quitte le palais pour la cathédrale des Saints Michel et Gudule, où la cérémonie officielle se déroule en présence des principales personnalités du pays. Le service funéraire est mené par le prince Albert. Dans l'église sont également présentes les 2 filles de Léopold, ainsi qu'Élisabeth. L'homme de la rue ne se sent pas concerné par la maladie du roi. La population ne se sentira pas non plus abattue par son décès. Des milliers de personnes, dont de nombreux curieux, se trouvent dans les rues de Bruxelles à l'heure de son enterrement. Des camelots vendent même des pamphlets critiquant le roi. Les officiels du cortège funéraire trouvent cela indigne, mais personne ne réagit. La presse conservatrice loue le roi, évite toute critique de sa politique. Toute personne s'exprimant négativement sur Léopold s'entend dire qu'elle porte atteinte à l'intérêt national. Les journaux de gauche, eux, ne cachent pas leurs critiques. Le peuple se réjouit ouvertement de la fin de ce règne. Pour lui, le souverain défunt était un pilier des forces conservatrices s'opposant au suffrage universel et à une législation sociale. Le soutien des catholiques qui sont contre l'enseignement public et veulent imposer leurs normes morales à la société, ainsi que du colonialisme coupable de cruauté au Congo. Le journal conclut que Léopold a foulé aux pieds les règles morales élémentaires du mariage et de la famille. Une rude tâche attend donc Albert s'il veut redorer le blason de la monarchie et éviter qu'elle ne disparaisse à la première occasion. La prestation de serment. Sur la base de l'article 60, alinéa 1 de la Constitution, Albert est la première personne en titre pour succéder à Léopold II, mais cela ne veut pas dire qu'il devient automatiquement roi. L'adage « Le roi est mort, vive le roi », qui signifie que le pouvoir royal est transmis au prince héritier du fait même du décès du roi, n'est pas valable en Belgique. D'après un autre article de la Constitution, le prince héritier ne prend possession du trône qu'après avoir prêté le serment suivant « Je jure de respecter la constitution du peuple belge, de maintenir l'indépendance et l'intégrité du territoire. » Il est décidé qu'Albert prêterait serment devant les chambres réunies le 23 décembre, au lendemain des funérailles de Léopold II. Dans la nuit qui précède la prestation, Albert est assailli par de grands doutes. Il a peur de se rendre au Parlement. Il décide de ne pas prêter serment. Que s'est-il passé? Dans une lettre datée du 16 novembre 1907, il écrit à son épouse « Plaise à Dieu de conserver le roi longtemps, encore à l'amour de ses sujets et aux nôtres. » Janvier 1908, il fait savoir à sa sœur « Je souhaite beaucoup que cette croix, qu'est une situation dite couronnée, ne me tombe pas trop tôt sur les épaules. » Confronté à l'obligation de succéder immédiatement à Léopold II, Albert n'ose pas franchir le pas. Il craint également la confrontation avec les socialistes. Il est convaincu qu'ils lui réservent un accueil hostile et tumultueux au Parlement. Mais un tel refus peut avoir des conséquences importantes pour le pays et le plongerait dans la plus grande incertitude. Un prince héritier ne refuse pas le trône. Ce serait rejeter un devoir. Il n'y a pas d'alternative. Le prétendant suivant, son fils, Léopold, n'a que 8 ans et ne peut devenir roi avant son 18e anniversaire. Dans l'intervalle, il faudrait nommer un régent. Mais qui ? Élisabeth comprend immédiatement qu'il faut intervenir. Albert doit revenir sur son refus de prêter le serment constitutionnel devant le Parlement. La princesse n'hésite pas. Elle s'adresse à Jules Ingenbeck, à leur service depuis le 1er octobre 1900. À eux deux, ils finissent par convaincre Albert. La prestation de serment du 23 décembre 1909 est une cérémonie solennelle à laquelle toute la famille royale assiste. Elle entend manifester ainsi qu'elle est unie tout entière derrière le nouveau roi. J'ai la nette vision de ma tâche. Le devoir des princes est dicté à leur conscience par l'âme des peuples. Car si le trône a ses prérogatives, il a surtout ses responsabilités. La prestation de serment est interrompue par plusieurs incidents. À l'entrée d'Albert dans l'hémicycle parlementaire, des membres de la fraction socialiste hurlent « Vive le suffrage universel !» Les autres partis protestent. Émile van der Velde, président du groupe socialiste, comprend tout de suite les conséquences fâcheuses de l'intervention de ses pairs. La presse de droite pourrait présenter les socialistes comme des anti-royalistes, ce qui serait électoralement dangereux, car à contre-courant de l'opinion majoritaire du peuple belge. De plus, les opinions politiques républicaines de nombreux socialistes ne sont qu'une conséquence de leur aversion pour Léopold II. Albert est un jeune roi, pas moins populaire que son épouse, il faut donc lui donner sa chance. C'est ainsi que van der Velde, qui se trouve à une quinzaine de mètres du roi, s'écrie « Ce n'est pas contre vous que nous manifestons, c'est contre les malfaiteurs politiques qui siègent au gouvernement. » Après le serment constitutionnel, Albert prononce le discours traditionnel d'accession au trône. Il parle de l'avenir, énumère les tâches de chacun, il évoque l'art, une nouveauté dans les discours politiques. Il déclare que l'artiste occupera une place importante dans la société de demain. Un plaidoyer d'Albert peut être inspiré par Élisabeth. Contrairement à son père et à son oncle, le jeune Albert comprend que certaines réformes sociales sont nécessaires. Sans elles, un risque de colère collective est possible. avec son corollaire, la montée en puissance du socialisme révolutionnaire. Solution qu'il rejette, persuadé également que les socialistes radicaux aboliront la monarchie s'ils accèdent au pouvoir. Le roi Albert demeure fidèle à ses idées, mais leur réalisation est une autre affaire. Comme souverain constitutionnel, il ne peut régner sans gouvernement ni parlement où le parti politique conservateur est tout puissant. Sa préférence pour un cabinet catholique libéral provoque la méfiance du parti catholique. Les politiciens catholiques murmurent qu'Albert est manipulé par les collaborateurs libéraux, principalement par Jules Hindenburg. Avant son accession au trône, Albert a, par le passé, formulé à plusieurs reprises des critiques à l'égard de la politique congolaise, mais à mots couverts. Lors d'un long voyage au Congo, en 1909, le prince remarque une série de situations intolérables, y compris les cruautés à l'encontre des indigènes. À propos de la maladie du sommeil, certes, l'hygiène n'est pas matière à profit immédiat. Il ne peut donc être question d'y consacrer de grandes sommes d'argent. Depuis 7 ou 8 ans, on n'a plus consacré d'argent à aucun travail d'installation ou d'amélioration. Le travail en Afrique, l'or à Bruxelles, voilà la devise de l'État indépendant. Que pouvons-nous sans eux ? Les considérer comme un troupeau taillable et corvéable à merci ? C'est un crime au point de vue humanitaire. Mais bien plus encore, une faute du point de vue économique. Dans son discours d'intronisation, Albert engage la Belgique dans une politique congolaise plus juste. C'est reconnaître, indirectement, que celle de son prédécesseur était inacceptable, mais sans dénigrer la colonisation en tant que telle. Au contraire, il ne manque pas de rendre hommage à Léopold II pour avoir offert une colonie à la Belgique. Le nouveau roi. En tant que souverain, Albert dispose du palais de Bruxelles, du domaine de Laeken et de ceux des Ardennes. Le palais de Bruxelles est son bureau, le domaine de Laeken son lieu de séjour. Quant au domaine ardennais, il lui procure le calme et la détente. Le roi et la reine s'y installent. Élisabeth, gravement malade. Élisabeth est devenue reine, mais sa santé est fragile. À la fin de l'année 1910, sa santé inspire de l'inquiétude. Dans un premier temps, on diagnostique une méchante grippe. Il apparaît très vite qu'Élisabeth souffre d'une pleurésie, s'accompagnant de fièvre. La reine passe plusieurs jours entre la vie et la mort. L'accès à la chambre est interdit à ses enfants. Les évêques demandent à la population de prier pour elle. Le 4 décembre, la fièvre disparaît. Élisabeth se remet lentement. Début février 1911, elle est à nouveau debout et part avec son époux à Rapallo, sur la côte Ligure. Le mauvais temps les oblige à quitter l'Italie. Ils partent en Égypte. Le climat sec aide Élisabeth à se rétablir. Léopold Catoire, officier d'ordonnance du roi de 1910 à 1913. La pleurésie de la reine est la conséquence de son imprudence. En effet, elle ne portait pas de manteau le 27 octobre, lors du départ de l'empereur d'Allemagne et de son épouse à la gare de Bruxelles, alors qu'il soufflait un vent violent. De plus, elle était très fatiguée. Au printemps 1912, une rumeur circule, selon laquelle Élisabeth aurait surpris Albert dans une situation compromettante avec une femme appartenant au personnel. La reine aurait alors tiré sur la dame avec un revolver, Albert aurait pris la fuite, poursuivi par Élisabeth, et la femme en question aurait succombé à ses blessures. L'histoire se répand. Le prestige du couple royal en pâtit. L'adultère est en contradiction avec l'image que les sujets se font du couple et que la cour montre au monde extérieur. Une contre-offensive est donc lancée. Le 21 mai, Un cortège, constitué de 5 calèches royales, quitte le palais de Bruxelles pour se rendre à une exposition de chevaux dans le hall du palais du cinquantenaire. Il faut montrer qu'Albert et Elisabeth vivent en harmonie et que tout va pour le mieux dans la famille royale. Cette sortie a un tel succès que l'enquête judiciaire sur l'origine de la fusillade s'arrête aussitôt. L'éducation des enfants. L'historienne grantoise Grete Donkers s'est intéressée à l'éducation des enfants des couples royaux. Pratiquement, les souverains s'occupent de leurs enfants quand ils ne sont pas à l'étranger et qu'ils n'ont pas d'obligation officielle. Les dimanches et jours fériés, pendant les vacances, parfois après le souper, avant le coucher. Pour le reste, l'éducation des enfants est du ressort d'une armée de servantes, gouverneurs, gouvernantes et de précepteurs. Albert et Elisabeth ne dérogent pas à la règle. Ils ont pourtant des principes pédagogiques. Albert est partisan d'une éducation dure, quasi spartiate. Elisabeth semble moins sévère. Albert, et probablement Elisabeth, donnent au personnel des directives quant à l'application de leurs objectifs pédagogiques. Ils s'informent des résultats obtenus. En cas de faiblesse, Albert n'hésite pas à agir durement. Elisabeth choisit d'engager ses enfants dans l'éducation musicale. Elle leur impose des cours de musique. Ils apprennent tous les trois le piano. Charles s'essaiera au violon. Elisabeth insiste pour qu'ils assistent aux concerts donnés à la cour. Il a souvent été dit qu'Elisabeth voyait très peu ses enfants, qu'il manquait d'affection. Journal de Léopold, fils d'Elisabeth et d'Albert de Belgique. J'ai rencontré ce matin maman dans le corridor menant à la bibliothèque. Que j'étais heureux, je l'ai embrassée autant que j'ai pu. Les activités privées. La nostalgie d'Elisabeth pour sa Bavière natale s'atténue lentement quand elle devient reine. La Belgique et Bruxelles deviennent de plus en plus son foyer. La plupart de son temps est dédié à l'art et à la culture. Elle joue notamment du violon avec Eugène Isaïe et, quand celui-ci est en tournée à l'étranger, avec Édouard Derue, bientôt nommé violoniste du roi et de la reine. La reine assiste régulièrement à des concerts, à des représentations théâtrales, visite des expositions et des ateliers d'artistes. Elle reçoit également de nombreux artistes en audience privée, ainsi les peintres Franz Kurtens et Eugène Lermans, ou les compositeurs Camille Saint-Saëns ou encore Richard Strauss. Elle est également en contact avec Émile Verhaeren. Écrivain francophone, Verhaeren fait partie de la Jeune Belgique, un groupe d'écrivains indépendants de littérature française qui défendent l'existence d'une littérature belge. Il s'insère dans un mouvement plus large, promouvant la notion de l'âme belge et proposant une identité belge. Albert veut donner de solides bases nationales à la Belgique pour se protéger notamment de la France. Il se réjouit donc tout particulièrement de l'émergence et de l'épanouissement d'une littérature belge. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode, La Belgique en guerre.